Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une bonne comédie française. Une grève du service public et des transports paralyse la France entière. Paris, gare de Lyon, Marc Roux, un cadre ambitieux, s'énerve en l'absence de train pour Rome où il doit signer le lendemain matin un contrat décisif pour sa carrière. Sur le quai, son chemin croise celui de Vincent Dis, personnage déroutant et imperturbable, malgré le chaos ambiant. Pour tenter d'arriver à temps à destination, les deux inconnus partagent le volant et la conversation dans un covoiturage improvisé. Ils s'emmerdent pas, hein. Les trains, les avions, faut qu'on y aille à pied maintenant pour leur faire plaisir. Vous allez à Rome ? Ah, je vais au Sèvres. Les trains, les avions, faut qu'on y aille à pied maintenant pour leur faire plaisir. Pardon ? Les trains, les avions, faut qu'on y aille à pied maintenant pour leur faire plaisir. La grève est un droit. Et dans certains cas, c'est même un devoir. D'accord. Et attendez, vous allez à Rome ? Oui. Eh ben, ça va mieux, on dirait. La famille est là, on va pouvoir rentrer. La famille, elle a un véhicule. C'est à nous de vous parler ? Pourquoi, vous voyez quelqu'un d'autre ? Pas parce que vous êtes en grève, que vous avez une blouse blanche, qu'il faut nous parler comme à des débiles. C'est pas si vous êtes au courant de votre famille de réac, mais jusqu'à preuve du contraire, la grève en France, c'est encore un droit. Attendez, c'est moi que vous traitez de réac ? Et je paye pas. C'est assistance publique. Vous recevrez le tiers payant plus tard. C'est ça, creusons le déficit. Par suite d'un arrêt de travail, un film de Frédéric Andrei avec Charles Berling et Patrick Timsit, un DVD TF1 Vidéo.